FrenchPod.com. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai mal à la tête. Encore ? Tu veux une aspirine ? Oui, s'il te plaît.